Gabriel, Gabriel, Jibril, alayhi salam. Jibril, sur lui la paix, et le Saint-Esprit, à travers lequel les révélations sont transmises aux messagers. Allah, qu'il soit glorifié, l'a créé de lumière. Les messagers d'Allah peuvent voir les anges dans leur forme réelle. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a relaté que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a vu Jibril sous son véritable aspect. Jibril fut l'ange qui vint au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lorsqu'il était dans la caverne de Hira. Il lui révéla les 5 premiers versets du Coran qui sont اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Sourate l'adhérence, du verset 1 à 5. Ce fut aussi Jibril, sur lui la paix, qui l'accompagna durant le voyage nocturne à travers les 7 cieux. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, le voyait souvent sous la forme d'un homme appelé Dahya al-Kalbi, qu'Allah l'agrée. Les compagnons du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, le virent aussi sous sa forme humaine en quelques occasions. Ainsi, il se présenta un jour, portant des vêtements extrêmement blancs, les cheveux très noirs, et sans que l'on distingue sur lui des traces de voyage. Pourtant, aucun des compagnons ne connaissait cet homme. Il se dirigea vers le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, s'assit près de lui et colla ses genoux aux siens en posant ses paumes sur les cuisses du prophète. Ensuite, il l'interrogea sur l'islam, la foi, l'excellence, le jour du jugement et ses signes avant-coureurs. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, répondit à ses questions. Puis, lorsqu'il partit, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, les informa que cet homme était Jibril, sur lui la paix, venu pour leur enseigner leur religion. Hadith rapporté par Muslim.